soleil va bientôt se coucher. Le soleil va bientôt se coucher, mon ami. Le soleil va bientôt se coucher. Et l'orage, lui, va bientôt arriver. L'orage, lui, va bientôt arriver. Au loin, on voit les éclairs, ça gronde. Le ciel est gris, foncé, très foncé. On attend des grêlons par quantité. De l'eau en abondance. Faire déborder les gouttières. Peut-être même rentrer dans la maison. Cette eau si froide. Encore par je ne sais quel côté, ferme les volets, avec la grêle, on ne sait jamais, ça peut casser les carreaux, casser les tuiles, casser. Éclairs, le bruit qui vient de loin, et quand ça arrive que c'est prêt. Il y a de plus en plus de tornades, de typhons et tous ces genres de tempêtes, de vents insatiables, de l'eau à profusion à des endroits. Et d'autres, c'est la sécheresse. Les neiges fondent quand il neige. Jadis, nous avions des hivers, nous avions de la neige, on pouvait s'amuser. Jadis. Désormais, plus sec, de plus en plus sec, de plus en plus sec. Dites-moi, de plus en plus sec, de plus en plus sec, de plus en plus sec. Dites-moi, ouais, les gens ne s'améliorent pas, ils s'en foutent de tout, ils ne pensent qu'à soi. Petit clan, ils pensent, ils ne pensent qu'à ça. Leur petit clan, leur petit clan. Quand ils seront devant, devant le dernier jour, sa fin, l'humanité, l'humanité, comme si être humain était bien, oh, l'humanité. Même lui-même, il se tue, ne peut pas s'entendre entre eux. Ne sait que gâcher, ne sait que piétiner, ce qu'il a construit, il a détruit. C'est pas profiter de ce qu'il a, de ce qui est beau. Alors il détruit, il détruit, il détruit. Même en construisant, il détruit. Il ne sait pas faire autrement. Cet humain ne sert à rien sur Terre. Cet humain qui tue tout. Et il se tue lui-même. On verra. On ne verra pas ce qui restera de tout ça à la fin. Ce qui reste, la fin. La fin. La fin. Chakayou, banamane, soumamadidoum, tagadimadibadoum. Qu'est-ce qui restera à la fin? Qu'est-ce qui restera à la fin? Qui restera à la fin? Ce n'est sans doute pas l'humain. Sans doute pas l'humain, même tant mieux. Pour. Oh. Le reste, pas pour les siens, tant mieux. Qu'il ne reste pas à la fin, ce serait dommage. Ce sera dommage qu'il n'y ait que lui qui reste. Et comment d'abord il pourrait faire sans le reste? Tous les insectes, les animaux, tout. La nature, la faune, la flore, comme on dit. Tout ça, l'eau, la terre, l'air. Il aura tout gâché, tout gâché. Non. Si on ne réduit pas le nombre d'humains sur Terre, il ne restera plus rien dans quelques années. Il ne restera plus rien dans quelques années. Ça sera la fin. Ça sera la fin. La fin de cette civilisation. Il ne restera plus rien, ça sera la fin de cette civilisation. Trop empris par la technologie, trop empris par le fait qu'il faut travailler, soi-disant travailler pour gagner des sous pour manger et pour faire des gamins. Et quand on a fait un peu plus de bouche à nourrir, toujours un peu plus, toujours un peu plus, il ne sait pas se contrôler. Ce qu'il faudrait, c'est simple, déjà arrêter les naissances. Ce serait bien. Ensuite, ce qu'il faudrait, arrêter l'argent. Ouais, arrêter l'argent. Ce qu'il faudrait. Après, que tout le monde ait la même somme. Comment? Le même truc pour manger. Parce que c'est ça, c'est manger. Le reste, tout est déjà fait. Le reste, tout est déjà fait. C'est manger, compte. Tout le monde s'y mettrait, referait des jardins, referait, reapprendrait comment il faut cultiver. Au lieu d'être en train de faire sa putain de vidéo pour Internet, pour avoir je sais pas combien de pouces levés, de vues, de followers, je sais pas quoi, et ces merdes, tout ça. Des gens qui regardent, putain, il y a des cas, des millions de cas, des milliards de gens qui regardent tes conneries. Ouais, c'est cool, mais tout ça, éliminer tout cet internet de merde, depuis que c'est arrivé, c'est la merde. D'abord. Les gens se parlent de moins en moins, les gens ont peur de tout le monde, les gens sont de plus en plus cons, les gens sont de plus en plus cons, les gens. Moi, ce que je voudrais à la fin, c'est juste. Car ils vont crever, hein, faut bien se le dire, l'humain va crever. Mais qu'ils n'emportent pas le reste. Les animaux, la nature, tout ça, qu'elle reprenne ses droits et que putain les animaux soient libres. Soient libres, à la fin, qu'ils soient tous libres, pas fermés, pas enfermés, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus tous ces enclos, tous ces prés fermés, barricadés. Ça, plus de frontières pour eux. Il faudrait qu'il n'y ait plus tout ça à la fin pour que eux ils aient la liberté, de nouveau la liberté, de nouveau la liberté. Qu'ils aient la liberté. La liberté. La liberté.